La médecine vibratoire. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. La médecine vibratoire opère à travers la compréhension qu'il y a toujours une vibration qui sous-entend la forme. Donc, avant qu'une forme soit manifestée, soit générée sur le plan physique, il y a toujours une énergie qui la sous-entend. Donc, par exemple, avant qu'une maladie s'attaque au corps physique, eh bien, il y a le corps éthérique de la personne, le corps émotionnel également, qui peuvent avoir été atteints au préalable. Parce que les problèmes de santé majeurs sont en relation avec des déséquilibres énergétiques qui ont comme terminal, comme finitude, l'aspect physique. Donc, autrement dit, par exemple, quelqu'un qui a de la difficulté à gérer ses énergies au quotidien, ça peut créer des déséquilibres au sein de son aura, ça peut créer des trous, et en lien avec cela, ben, ça peut générer des troubles au niveau physique. Donc, ce qu'il faut comprendre fondamentalement, c'est que le physique, c'est la dimension terminale densifiée d'énergie beaucoup plus subtile. Donc, si le corps émotionnel où les émotions sont vécues, ressenties, est en ordre, donc il n'y a pas de blocage émotif, bien à ce moment-là, ça ne nuira pas à la libre circulation de l'énergie dans le corps physique. Parce que si l'énergie ne circule pas d'une manière adéquate dans le corps émotionnel, bien, c'est sûr que par la suite, éventuellement, c'est le corps physique qui en souffre. Donc, autrement dit, si à l'époque présente, nous aurions des médecins qui étaient capables de percevoir l'aura des gens, ben, à titre préventif, la simple perception de déséquilibre énergétique dans l'aura pourrait donner un aperçu au médecin de la potentialité de la personne d'éventuellement connaître un déséquilibre sur le plan physique qui va s'en suivre. Donc, autrement dit, il y aurait une compréhension causale des problèmes de santé que vivent beaucoup de personnes, que ce soit, par exemple, le cancer. Ensuite, les problèmes cardiaques. Donc, les maladies chroniques qui font beaucoup de victimes en Occident. Donc, c'est sûr que ça pourrait être éventuellement traité d'une manière beaucoup plus préventive. En ce sens que la médecine actuelle a fait des bonds de géant au cours des dernières décennies. Il y a une compréhension plus fine de la dimension physique. Il y a des appareils plus sophistiqués qui permettent de percevoir les subtilités, par exemple, de l'intérieur du corps humain, que ce soit l'imagerie par résonance magnétique, la qualité des radiographies aussi qui est plus grande, et ainsi de suite. Mais ça, c'est la dimension physique qui a été beaucoup approfondie dans sa compréhension par les gens qui œuvrent dans le domaine médical en Occident. Mais éventuellement, il faut aller à une compréhension causale des phénomènes au niveau énergétique. Donc, c'est sûr que tant que la personne ne vit pas une conscience multidimensionnelle, elle ne peut pas traiter d'une manière multidimensionnelle le patient qui est devant elle, c'est impossible. Donc, tant que la personne procède à partir d'une compréhension de forme, ben, elle va pouvoir faire un traitement. Donc, si la personne est médecin, elle est infirmière, en relation avec cette compréhension, elle ne pourra pas aller plus loin si elle n'a pas accès à une compréhension vibratoire des énergies qui sous-tendent le phénomène de la maladie, parce qu'en réalité, la maladie est en relation avec l'accumulation notamment d'énergie stagnante, de certains déséquilibres énergétiques qui vont faire en sorte que, par exemple, bon, le sang va moins bien circuler dans le corps, ou il va y avoir la production de cellules anarchiques dans le cadre du cancer. Le cancer, c'est quoi? Ben, c'est la production de cellules qui se rebelle contre un ordre qui est incohérent. Donc, les cohérences, c'est quoi? C'est une programmation énergétique qui n'est pas adéquate, qui n'est pas en harmonie absolue avec les lois de la vie. Donc, si chacune des cellules est en harmonie avec les lois de l'esprit et que l'individu n'est pas sous emprise d'influence astrale, ben les cellules ne sont pas astralisées par une énergie qui est décadente, qui vont les amener en déchéance ou à se rebeller contre une forme d'incohérence interne. Si l'individu est capable de générer une masse énergétique unifiée dans son corps, qui est le produit de la fusion, Parce qu'en réalité, l'énergie de l'esprit, lorsqu'elle est intégrée, c'est quoi? C'est la génération d'une énergie unitaire qui fait de l'ordre, qui va rassembler, qui va créer un centre de gravité permanent, alors que quelqu'un qui est astralisé, il est morcelé. Donc, d'ailleurs, il y avait une expression qui dit les forces des ténèbres, c'est toujours pluriel. Il n'y a pas un ténèbre, il y en a plusieurs. Donc, les énergies astrales, il y en a plusieurs. C'est des énergies de division. Donc, c'est sûr que dans une compréhension ancienne, on disait que le diable était le diviseur. Donc, quelqu'un qui va semer la discorde, l'incohérence. Et l'incohérence au niveau de l'organisme, ça se traduit à travers quoi? Ça se traduit à travers le cancer. Le cancer, c'est quoi? C'est un décalage entre l'individu et l'alignement par rapport à son esprit, dans un certain sens. C'est sûr que le cancer peut être permis aussi par rapport à l'esprit. Dans le sens que si l'individu est très orgueilleux et qu'à travers le phénomène de la cancer, il est obligé de mettre de côté son orgueil et vu qu'il est en situation de vulnérabilité, plus s'ouvrir aux autres, ben, ça peut l'amener à évoluer dans sa psyché, le fait d'être atteint du cancer, parce que ça va l'amener à arrêter de se sentir supérieur aux autres. Dans certains cas, ça peut être ça. Il y a plusieurs raisons par rapport au cancer. C'est sûr qu'à l'époque actuelle, étant donné que la science matérialiste limitative et très réductionniste s'appuie sur une compréhension de la forme qui est imparfaite, ben, elle génère beaucoup de pollution, beaucoup de déchets qui, absorbés sur une longue période de temps, vont nuire à la santé des cellules et du corps humain. Ça, c'est connu de la science présente. Et ça, c'est un élément qui nuit d'une manière fondamentale à la santé. L'exposition à des produits chimiques, à des produits qui, avec une absorption sur une certaine période de temps, occasionnent une certaine toxicité. Ça crée un désordre par rapport à l'organisme, ça crée de l'incohérence. Parce qu'en réalité, la maladie, fondamentalement, c'est quoi? C'est un manque de cohérence interne qui est vécu, un manque d'intégration énergétique aussi dans certains cas. Il y a des maladies qui sont liées au fait que l'être humain n'est pas capable d'intégrer adéquatement certaines charges d'énergie qui descendent à travers lui. Donc, c'est sûr que si les plans, que ce soit le plan astral ou le plan mental, poussent une vibration très forte au sein d'un individu, et l'individu n'est pas capable d'intégrer la charge d'énergie, ben ça va faire en sorte que ça va créer des tensions internes, ça va créer du chaos, ça va créer du désordre. Donc, si par exemple quelqu'un est exposé à un accident automobile et que la personne, par rapport à l'accident, lorsqu'elle le voit ça, elle vit du stress, elle vit un choc nerveux, eh bien, à ce moment-là, si elle n'est pas capable d'intégrer la charge de l'événement, qu'est-ce qui se passe? Ça va vivre du stress post-traumatique dans les jours, les mois qui vont suivre, étant donné que l'énergie n'étant pas pleinement intégrée au moment où ce que la personne est confrontée à l'événement, ben, il y a une intégration partielle qui se fait à rebours, où l'énergie cherche à s'intégrer au sein de l'individu, puis si l'individu résiste, ben, ça crée des tensions, puis ça peut l'amener dans un processus de réflexion associé à la non-intégration de l'énergie. Donc, autrement dit, si quelqu'un est confronté à un accident, puis il réfléchit l'accident continuellement d'une manière compulsive, au lieu d'intégrer l'événement en disant « Bon, il y a eu tel accident, c'est passé, je passe à autre chose. » Puis si la personne réfléchit l'événement en disant « Ah, il y a eu tel accident d'automobile, c'est atroce, j'ai vu quelqu'un mourir devant moi. » Puis la personne ne dort pas, a fait de l'insomnie, ensuite a de la difficulté à s'alimenter, elle tombe dans un état de dépression, d'incohérence. Bien, c'est sûr qu'il va falloir éventuellement qu'elle se rééquilibre parce que si elle est incohérente et est affaiblie par un manque de sommeil lié à des pensées obsessives qui la descendent continuellement, bien, c'est sûr que ça va l'affaiblir, ça va la dévitaliser. Si elle est dévitalisée, par la suite, son système immunitaire risque d'être plus faible. Si le système immunitaire est plus faible, à ce moment-là, ça ouvre la porte au virus, ça ouvre la porte à la grippe, ça ouvre la porte à différentes maladies qui peuvent chercher à s'infiltrer à l'intérieur d'elle. Donc, c'est sûr que, en fait, en réalité, si l'être humain est moindrement incohérent dans son corps physique, ça ouvre la porte à la maladie. Si la personne est continuellement centrique et est libre de l'influence astrale, ben à ce moment-là, elle va être dans une situation qui va favoriser sa santé. C'est sûr que, dans le fond, si la personne réussit à épurer son aura, J'arrête ici, parce qu'en réalité, ce n'est pas la personne qui décide là, lorsqu'elle va intégrer l'énergie mentale qui va la dépouiller de l'énergie astrale. Ça va se faire dans son temps et c'est en fonction des descentes d'énergie qui proviennent de l'esprit qui est sous la juridiction de l'esprit tant aussi longtemps que l'individu n'est pas totalement fusionné et qu'il n'est pas en mesure de faire une auto-gestion de son être qui sera alors devenu intégral étant donné qu'en rendu en état d'harmonie avec l'esprit. Mais d'ici là, l'individu, ce qu'il doit faire, c'est observer qu'est-ce qui lui permet d'être en santé, de se maintenir cohérent dans son quotidien. Parce que s'il n'est pas cohérent dans son quotidien, ben c'est là qu'il ouvre la porte à la maladie, à une forme de déchéance et à des entrées astrales. Parce qu'en réalité, une entrée astrale, c'est quoi? C'est une porte ouverte sur la maladie parce que l'énergie astrale est fondamentalement déséquilibrée. En ce sens que c'est une énergie planétaire limitative qui manque de maturité, qui ne permet pas d'optimiser le plein potentiel de l'individu. Donc, c'est comme manger du fast-food. Quelqu'un qui se nourrit d'énergie astrale, c'est comme se nourrir de nourriture qui est malsaine, qui est pauvre en éléments nutritifs. Donc, ça ne permettra jamais à l'individu d'obtenir son plein potentiel en termes de santé. Et ce qui permet d'optimiser son plein potentiel en matière de santé, bien, c'est de se nourrir directement d'énergie de l'esprit. Mais peu de personnes sont capables de le faire à l'époque présente, étant donné que pour absorber cette énergie-là, ça prend des corps qui sont bien développés, un système nerveux qui est ajusté, qui est pacifié. Ça prend une centricité aussi pour pas que l'énergie occasionne des chocs que l'individu n'est pas capable d'absorber puis ensuite se ramasser dans des équilibres énergétiques. Parce que au niveau de la maladie, il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'il y a des maladies qui sont occasionnées tout simplement par rapport à un dérèglement astral qui se maintient sur plusieurs années. Donc, par exemple, quelqu'un qui, sous influence d'entités astrales, réfléchit d'une manière compulsive au fait que ça est dit dans la tête qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas beau, qu'il n'est pas capable. Puis là, il passe ses journées tout seul à réfléchir à ça, puis il ne va pas travailler, puis il vit de l'isolement. Puis l'isolement le renforce dans un mouvement de déchéance, parce que plus qu'il passe du temps tout seul, plus qu'il se réfléchit sur ses incompétences, plus que son énergie s'assombrit, plus qu'il est chevauché par des entités astrales qui cherchent à affaiblir son centre de volonté. Si le centre de volonté est faible chez l'individu, bien, éventuellement, il peut développer des problèmes de santé mentale. Santé mentale, ici, ça peut être, par exemple, de développer le phénomène de la schizophrénie, c'est-à-dire entendre des voix qui vont chevaucher et posséder l'individu pour l'amener à commettre des actions qui, dans le pire des cas, pourrait mettre sa vie en danger ou celle de d'autres personnes de son environnement. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui passe son temps seul chez lui à être confronté à des entités astrales qui l'amènent à nourrir l'idée qu'il a en lui un dialogue interne autodestructif, qui l'amène à dire qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas capable, qu'il est incompétent et qui croit que, dans le fond, cette communication provient de lui, parce qu'il n'est pas conscient que la pensée vient d'ailleurs, ben là, c'est là qu'il est en train de s'effoirer, il est en train de sombrer dans un état de déchéance qui peut l'amener éventuellement au suicide. Donc, la possession astrale est cause de beaucoup de maladies. À l'époque présente, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à composer avec les chocs et les oppositions. On a regardé le fait qu'en Occident, il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup d'épuisement professionnel. Donc, que ce soit au niveau amoureux, des dépressions parce que les gens vivent des ruptures amoureuses, des dépressions parce que les gens perdent leur emploi, des dépressions aussi parce que les gens ont trop de pression au travail par rapport à une capacité d'absorption, puis ne sont pas capables de générer un ordre plus grand qui permette d'absorber davantage d'énergie. Fait qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui arrive? Bien, à ce moment-là, il casse. Il n'absorbe pas adéquatement l'énergie, puis là, il sombre. Fait que, il y a beaucoup de tensions aussi à l'époque présente qui peuvent amener de la maladie ou de l'incohérence associée à l'exposition aux médias actuels et aux moyens modernes de communication. Que ce soit l'exposition au téléphone cellulaire, l'exposition à Internet ou de plus en plus de stimuli. Que ce soit par rapport à des images, à des sons qu'on entend, par rapport à des sites de conversation sur Internet, crée une tension énergétique par rapport à l'individu qui voit cela. C'est quelque chose, les technologies modernes qui sollicitent beaucoup d'individus et comme elles sont très rapides, donc l'information qui est véhiculée est très rapide, ça donne peu de capacité d'absorption. Donc, c'est sûr que la personne, par exemple, qui écoute un bulletin de nouvelles, et là, il entend parler que dans un autre pays, il y a eu des élections ou il y a eu un changement de gouvernement, ben on en parle pendant quelques instants. Et si l'individu ne connaît pas l'autre pays, le contexte économique, le contexte social, l'information s'intègre peu ou pas ou difficilement. Donc, à ce moment-là, ben ça permet pas, en réalité, à l'individu de vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que les nouvelles en rafale qui vont rajouter, entre autres, quelques informations par rapport à certains éléments qui ont déjà été abordés, si l'individu ne connaît pas le contexte dans lequel ça s'inscrit, l'absorption d'informations se fait extrêmement mal. Donc, quelqu'un, par exemple, qui commence à s'intéresser à l'aspect juridique des accommodements raisonnables, puis là, on commence à aborder le sujet dans un bulletin de nouvelles, puis whoop, quelques instants après, on présente la météo ou on fait une chronique hors spectacle. Ça laisse peu de place à l'intégration puis à l'approfondissement. Donc, les gens sont exposés à beaucoup d'informations en superficie, mais comme il y a peu ou pas d'approfondissement, ben c'est difficile de les organiser d'une manière cohérente dans sa psyché. Donc, c'est sûr que quelqu'un, ça c'est au niveau plus intellectuel, mais au niveau vibratoire, ben l'individu qui développe une conscience ou à tout simplement à percevoir puis à vibrer qu'est-ce qui le concerne puis à approfondir en fonction de qu'est-ce qu'il ressent qu'il a à approfondir comme information. Mais ben, pour ce qui est du phénomène de la santé, c'est sûr que éventuellement les gens qui développent une sensibilité vibratoire vont être capables de traiter le phénomène de la maladie d'une manière purement individualisée puis faire une lecture vibratoire par rapport à un problème de santé spécifique à un autre individu. Parce que là, présentement, la médecine, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, il y en a beaucoup qui sont bien intentionnés. Ils ont des traitements. Donc, quelqu'un qui est atteint du cancer, ce qu'ils vont faire, ils vont suivre une méthodologie qui a été appuyée par des recherches scientifiques. Au niveau intellectuel, c'est bien. Mais si le traitement, par exemple, pour traiter le cancer est standardisé d'un individu à l'autre en s'appuyant sur des moyennes de population, ben à ce moment-là, ça ne va pas nécessairement respecter les besoins individuels d'un individu. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des ajustements du dosage en fonction de comment réagit le corps à l'égard d'une certaine médication. Et c'est très bien. Sauf que c'est expérientiel. Donc, autrement dit, par exemple, quelqu'un, pendant un certain nombre de semaines, est exposé à de la chimiothérapie. Puis là, le dosage par rapport à la chimiothérapie est ajusté en fonction de l'état de fatigue ou si l'individu a certaines réactions physiques, ça peut être de vomir, avoir des nausées, ainsi de suite. Donc, il peut y avoir un ajustement. Même chose pour les antidépresseurs qui sont prescrits par la suite. Mais si le praticien en santé, le médecin ou le psychiatre qui donne les antidépresseurs avait la capacité, d'une manière instantanée et immédiate, de faire la lecture vibratoire du patient, poser la question à voix haute à l'esprit, est-ce que de prendre cet antidépresseur est approprié pour tel individu X, puis faire une lecture vibratoire à partir de ça, en fonction de sa sensibilité, tout en s'appuyant à une compréhension des données médicales. Donc, ici, c'est pas de rejeter les études empiriques, les études statistiques par rapport à la réussite de certains médicaments, mais c'est plutôt ici d'individuer le traitement médical en fonction d'une sensibilité vibratoire, d'une capacité de lecture d'une autre personne. Pour que, au lieu que la personne ait à s'ajuster pendant 3-4 semaines le dosage de médication, et tout de suite, en fonction d'une lecture vibratoire, une mesure du dosage adéquat de médication à avoir. Donc, la médecine de l'avenir, la vision que j'en ai, ça va être cela, c'est-à-dire une individuation des pratiques médicales en fonction de l'individu qui est soigné, au lieu de faire un traitement qui est uniformisé à tout le monde comme une chaîne de montage. Donc, si statistiquement, par exemple, ça, sur 6 semaines, il y a telle fréquence de chimiothérapie, ça donne un résultat X sur X milliers de personnes, ben là, on va donner le même traitement, peu importe la personne, sans nécessairement l'ajuster. Quoique il y a des ajustements rétroactifs qui se font, mais je veux dire, Éventuellement, il n'y aura pas besoin d'ajustements rétroactifs. Il y a de l'expérimentation parce que la personne va accéder à un savoir fondamental au niveau vibratoire qui va faire en sorte qu'il va tout de suite avoir une mesure dans l'immédiateté en fonction d'une canalisation de l'esprit, une mesure de ce qu'il y a à faire. Bien entendu, ça, c'est de la perspective par rapport à l'avenir. Je ne dis pas aux praticiens de la santé, que ce soit les médecins à l'époque actuelle, les psychiatres, les infirmières et les autres spécialistes, d'agir en ce sens pour pas non plus aller à l'encontre de leur ordre professionnel qui les amène à utiliser des pratiques scientifiquement reconnues. Donc, ça sera éventuellement, sous une longue période de temps, ou que la science de l'esprit sera éventuellement reconnue par les autorités médicales et sanitaires dans les sociétés et prise en considération, bien sûr, avant d'utiliser une compréhension vibratoire du dosage de médication qu'un individu doit prendre. Bien, avant ça, il faut que la personne qui fasse la lecture vibratoire ait une compréhension extrêmement fine et aussi expérimentée de la distinction entre les énergies astrales, les énergies mentales. Donc, avoir une très grande sensibilité vibratoire, la personne aussi doit avoir une grande maturité psychique pour éviter de créer du désordre et une compréhension des lois fondamentales d'énergie qui régissent les vibrations qui sont derrière les formes, que ce soit les individus et aussi, c'est sûr que la vision que j'ai de l'avenir en lien avec le domaine médical, c'est l'émergence d'une médecine nouvelle. Ce ne sera pas une médecine qui va être spiritualisée par le nouvel âge que je parle, là. Ça va être une médecine qui va intégrer une compréhension multidimensionnelle de l'individu puis le traiter dans sa multidimensionnalité plutôt que le traiter d'une manière fragmentée. Donc, autrement dit, si par exemple quelqu'un a un problème cardiaque et on traite le cœur au niveau de l'organe, c'est bien. Mais si la personne ne change pas, par exemple, son rythme de vie, qu'elle ne change pas la manière qu'elle gère les émotions qui peuvent atteindre le cœur, notamment si elle a de la colère refoulée, une mauvaise gestion des énergies émotionnelles associées à l'effectivité, si aussi des habitudes alimentaires. Donc, c'est sûr que si la personne mange de la nourriture qui est très grasse puis elle ne change pas son alimentation, ça se peut que les artères du corps vont se reboucher puis là, ça va amener un autre problème cardiaque, là. Donc, il faut qu'il y ait un traitement multidimensionnel. C'est sûr que la science tend à ça. Donc, aujourd'hui, de plus en plus, en lien avec des traitements par rapport à des organes physiques, il y a des activités pour la gestion du stress, des activités aussi qu'on va reconnaître, par exemple, les bienfaits de la méditation, que ça peut être des formes utiles pour amener un peu plus d'ordre. Donc, on peut utiliser certaines techniques aussi de respiration pour mieux gérer le stress, mais la technique, c'est une forme. Et il y a des techniques plus raffinées que d'autres qui amènent plus de résultats, je le conçois. Par contre, éventuellement, ça va être des praticiens de la santé qui vont percevoir vibratoirement les gens qu'ils traitent et qui vont ajuster le traitement en fonction d'une lecture vibratoire qui va se faire d'une manière immédiate. Mais pour arriver à une lecture immédiate de la personne d'une manière adéquate, il ne faut pas que la personne soit volée par des entités astrales. Parce que si la personne qui effectue le diagnostic énergétique de l'état de la personne est voilée par des entités astrales parce qu'elle n'a pas intégré totalement le processus de la fusion, ben, son diagnostic ne peut pas être valide à 100%. Donc, si quelqu'un, par exemple, est fusionné à 80%, il y a 20% de qu'est-ce qu'il dit qui n'est pas totalement ajusté par rapport à l'individu parce que c'est des voiles qui sont produites par des entités astrales. Il y a des masses d'énergie qui font en sorte que l'individu est bloqué dans la qualité et la quantité d'énergie et d'informations qu'il peut recevoir de l'esprit et qu'il peut communiquer à travers canalisation. Donc, autrement dit, tant que la personne n'est pas totalement fusionnée avec l'esprit, le diagnostic médical qu'elle peut faire en faisant une lecture vibratoire, en passant par exemple en revue les différents organes du corps. Donc, c'est sûr, quelqu'un par exemple qui est médium, qui a une certaine sensibilité, peut par exemple passer en revue puis faire un balayage en disant, bon, les reins, comment est-ce que c'est? Puis là, il peut regarder comment ça vibre. S'il y a un décalage énergétique. Ensuite, le foie. Ensuite, les poumons. Le cœur. Ah! Le cœur, ça vibre moins. Donc, il y a quelque chose ici. Puis là, il peut poser la question à l'esprit. C'est quoi qu'il y a comme quelque chose? Puis là, l'esprit peut dire, ben regarde, telle personne, elle refoule trop ses émotions associées à sa vie affective. Puis là, il peut essayer de dénouer le nœud. Ben, en fait, je ne dis pas qu'il peut parce que, dans le fond, ça, par rapport à la pratique de la médecine vibratoire, ben c'est sûr que je ne dis pas aux gens de pratiquer ça actuellement. C'est plus dans l'optique d'une perspective d'avenir que je parle parce que le praticien qui va faire une lecture vibratoire à ses patients, alors que ce n'est pas nécessairement accepté par l'ordre professionnel des médecins, pourrait être soumis à des amendes ou éventuellement une radiation temporaire ou permanente de l'ordre pour avoir fait des pratiques médicales n'étant pas reconnues scientifiquement. Donc, je ne recommande aucunement à des gens de pratiquer officiellement la médecine vibratoire. Par contre, officieusement, c'est un phénomène intéressant à regarder parce que l'être humain qui se conscientise s'en va vers là, en ce sens qu'il va avoir une plus grande sensibilité par rapport à l'autre puis par rapport à lui-même. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il se désastralise par rapport à ça parce que sans ça, la médecine qui est produite d'une manière intuitive pourrait occasionner de grands dégâts, en ce sens que si, par exemple, un individu est astralisé à 80% puis 20% de perception vibratoire objective, ben ce qu'il va faire comme diagnostic risque d'être catastrophique parce qu'il est très astralisé. D'ailleurs, l'essentiel de ses propos qu'il va capter intuitivement par lecture vont être tellement colorés que ça va, vu que c'est coloré au-dessus de 80%, ben il y a au-dessus de la moitié qui sera pas valide. Donc, à ce moment-là, c'est quelque chose qui va créer du désordre. Et puis, quelqu'un aussi, s'il a à pratiquer la médecine vibratoire, ben c'est l'esprit qui va lui dire. Parce que si quelqu'un, par exemple, développe une sensibilité puis se met à pratiquer la médecine vibratoire alors qu'il n'est pas mandaté par le plan mental pour faire ça, ben, il s'expose à du karma parce qu'il n'a pas le droit de faire cela. Il n'est pas supporté vibratoirement par l'esprit. Et si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas supporté par l'esprit, ben, c'est sûr qu'il s'expose à des oppositions pour le réajuster parce que l'esprit va chercher à le réajuster. Donc, autrement dit, si quelqu'un écoute un enregistrement sur Internet et suite à ça décide de pratiquer la médecine vibratoire par canalisation intuitive, et que la personne, ça dit intérieurement qu'elle n'est pas prête, mais comme elle est curieuse et qu'elle vibre au désir de l'ego, ben elle va commettre des actions qui sont astralisées, donc des actions qui devront éventuellement être rééquilibrées pour des raisons karmiques, car manque d'ajustement, n'étant pas supportées par l'esprit. Et ces actions-là vont créer une certaine forme de désordre, et le désordre, éventuellement, va amener l'individu à se réajuster. C'est sûr que si la personne, par exemple, a à payer des milliers de dollars d'amende à l'ordre des médecins pour avoir fait une médecine qui n'est pas reconnue scientifiquement et que l'ordre des médecins estime que la personne peut mettre la vie en danger pour avoir fait des pratiques qui ne sont pas validées en fonction de la compréhension de l'état de la science actuelle, ben c'est sûr que c'est une forme de rééquilibrement que l'individu peut avoir à vivre. C'est sûr que l'ordre des médecins éventuellement devrait évoluer parce que présentement, d'avoir une médecine qui s'intéresse essentiellement à la forme, c'est très, très, très, très limitatif et restrictif. C'est sûr qu'à l'époque présente, on va parler, par exemple, de l'importance de développer une intelligence émotionnelle. Donc là, c'est à la mode. Donc les gens ont un peu plus de sensibilité qu'avant. Autrefois, on parlait tout simplement de développer le quotient intellectuel, donc l'intelligence au niveau de la tête. Là, on parle de l'intelligence émotionnelle dans la gestion des émotions, pour laisser librement circuler les énergies, des émotions, plutôt que de les refouler ou créer des tensions internes intra-psychiques qui vont créer des nœuds énergétiques. On parle même pas de nœuds énergétiques en général, on va tout simplement parler de régulation d'émotions. On va garder ça simple. Pourquoi on commence à parler d'émotions? Parce que les énergies émotionnelles sont plus simples et plus faciles à capter que l'énergie de l'esprit. Parce que pour capter l'énergie de l'esprit, il faut être stable dans l'émotionnel. Donc, quelqu'un qui n'est pas stable émotivement ne peut pas percevoir l'énergie de l'esprit parce qu'elle est plus subtile et elle est plus fine. Donc, si l'énergie émotionnelle est comparable à de l'eau qui est boiteuse, dans laquelle il va y avoir du sable en suspension, parce que c'est de l'océan, où il y a des vagues. Donc, tant que l'état émotionnel est instable, les émotions sont en montagne russe, comme des vagues qui montent et qui descendent, mais à ce moment-là, ça va brasser le sable qui est dans le fond de l'eau et l'eau ne sera pas claire et limpide. Donc, si l'eau, c'est-à-dire si l'ego n'est pas clair et limpide comme une lentille, bien, à ce moment-là, c'est impossible de percevoir l'énergie de l'esprit qui est au fond de l'eau, c'est-à-dire l'énergie qui est au-delà de la masse fluctuante d'émotions qui sont brouillées. Donc, plus qu'il y a des vagues dans l'eau, moins vous voyez clair. D'ailleurs, la personne qui vous parle, j'avais déjà été au Larcher Beach, aux États-Unis, et dans les journées où il y avait beaucoup de vagues à cause du vent, donc à l'océan, ben, il y avait un manque de limpidité flagrant de l'eau, ce qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas voir les pieds dans l'eau, au sol. Alors qu'à d'autres endroits, lorsque l'eau est limpide, ben, on voit les pieds. Donc si on voit les pieds, c'est un petit peu comme voir la présence de l'esprit au-delà de la couche émotionnelle. Mais tant que l'individu n'est pas stabilisé, il n'a pas une capacité de pénétration psychique qui lui permet d'aller au-delà de ça. Il faut que d'abord l'individu se stabilise émotivement. Puis c'est sûr que présentement, de parler d'intelligence émotionnelle peut participer à ça pour que l'individu commence à avoir une plus grande cohérence psychique, une plus grande stabilité qui va préparer le terrain pour éventuellement accéder à une compréhension totale et intégrale de l'esprit qui va se faire lorsque le corps physique va être stabilisé, le corps émotionnel, le corps intellectuel, pour qu'ensuite le rayon d'énergie puisse pénétrer. Et c'est sûr que par rapport à la santé, il y a beaucoup de choses à dire parce que éventuellement tous les moyens intrusifs qu'on a à l'époque actuelle, ça va être désuet, là, les opérations à cœur ouvert, puis d'utiliser des hanches avec des pièces de métal pour remplacer des os. Quoique c'est une utilité présente, je ne conteste pas ça, mais éventuellement tout va être reconfiguré en fonction de l'activation de la puissance de la volonté de l'individu qui va réajuster son corps à volonté. Puis éventuellement, le phénomène de la maladie va disparaître au sein des nouveaux initiés qui n'auront pas à vivre la maladie. Les êtres humains du futur ne vivront plus la maladie. Le phénomène de la maladie, c'est un phénomène archaïque qui est lié à un déséquilibre énergétique associé au processus de l'évolution. Lorsque l'individu aura totalement intégré son esprit, ça ne servira à rien d'être malade à des fins involutives ou à des fins karmiques parce que ses énergies vont être totalement équilibrées puis balancées. Donc, puis il n'y aura plus non plus le phénomène de l'entropie, la dégradation cellulaire, ce qui fait en sorte que, par exemple, la cellule, quand elle se reproduit, elle ne se multiplie pas d'une manière adéquate. Puis là, à un moment donné, on a du cancer ou d'autres problèmes de santé qui sont associés à un peu comme un logiciel. Quand on fait des photocopies, par exemple, à l'imprimante d'un document, si la photocopie était parfaite, était intégrale, bon, on n'aurait pas de problème, mais c'est parce que si la photocopie est imparfaite, bien là, on en refait une autre copie, puis là, l'encre, il en manque un peu à comparer de la première. Puis là, on en fait une autre, puis il en manque un peu, puis il en manque un peu, il en manque un peu. Ça, c'est quoi? C'est associé à une programmation évolutive qui fait en sorte qu'une dégradation cellulaire, parce que l'élan fondamental de la vie que puis permettre de mettre en action les cellules n'est plus là. Et comme l'individu n'est pas capable de générer par la puissance de sa volonté, ben, son corps se dégrade. Son corps a un élan de vie qui est sous programmation biologique, mais qui est limitatif. Tandis que si l'individu devient infini dans sa psyché, infini en son intégration vibratoire, ben là, à ce moment-là, il peut renouveler et régénérer d'une manière infinie son corps biologique. Mais pour en revenir là, il faut qu'il ait intégré l'énergie infinie de l'esprit. Donc, il a complété le processus de la fusion. Et c'est pas nécessairement une partie de plaisir pour en venir là, parce que ça demande d'intégrer des charges énergétiques. Puis il faut que les corps de l'individu soient solides pour ne pas casser, parce que si l'individu est exposé à trop d'énergie qu'il ne peut pas prendre, ben à ce moment-là, il s'expose à des blessures. Donc, c'est un petit peu comme un athlète, par exemple, qui va soulever des poids et haltères. Donc, il peut prendre des poids qui sont au sol, il va les monter à la hauteur de ses hanches, de ses épaules, et les lever en l'air. Si le poids est par rapport à une capacité que la personne peut prendre, il va pouvoir faire le mouvement au complet qui a été décrit. Mais s'il n'a pas ça, ce qui va arriver, c'est qu'il peut se blesser au dos, il peut se blesser aux épaules. Si la charge de poids est trop grande par rapport à sa capacité, ben, il va éventuellement se dégrader. Donc, tout est une. En fait, la santé puis la cohérence psychique, qui est le corollaire de la santé, parce que en réalité, il y a un bel adage qui dit qu'il faut avoir un esprit sain dans un corps sain, donc les deux doivent être en cohérence. C'est en relation avec l'habitation de l'esprit. Quelqu'un qui est capable de gérer adéquatement l'habitation de l'esprit en son sein puis rester cohérent, ben, il peut prendre un plus grand apport d'énergie puis en prendre plus, puis éventuellement, s'infinitiser avec l'énergie, devenir à son image, parce que l'énergie de l'esprit est infinie, elle a la capacité d'un renouvellement perpétuel. Donc, ce qui va faire en sorte que dans un premier temps, au niveau de l'évolution du collectif, on raffine présentement avec le développement des nouvelles technologies, notamment associées à l'informatique, la capacité, par exemple, de faire des radiographies. On développe une grande capacité de comprendre le fonctionnement des organes internes. Donc, la matière, la compréhension de l'aspect biologique, matériel du corps physique a fait des bons considérables au cours des dernières décennies. Les principales maladies, on les comprend de plus en plus. On est capable de voir de plus en plus avec des microscopes qui permettent de voir des micro-détails, qu'est-ce qui se passe au niveau cellulaire, au niveau des organismes. Et ça, c'est intéressant. Puis là, on développe une capacité aussi de faire le développement de l'intelligence émotionnelle chez certains patients pour qu'il y ait une dimension psychologique cohérente, plus grande, qui peut accompagner le rétablissement d'organes physiques malades, et ce qui est intéressant. Donc là, on devient un peu plus global. C'est sûr que la médecine de l'avenir va être holistique parce qu'elle va intégrer une compréhension vibratoire de la nature énergétique de l'être humain. Éventuellement aussi, le phénomène que quelqu'un consulte un médecin pour lui dire qu'est-ce qu'il a, ça a son utilité temporaire, mais éventuellement, quelqu'un qui a une lecture vibratoire par communication télépathique avec l'esprit, il va le savoir qu'est-ce qu'il y a, puis il va avoir une longueur d'onde aussi de savoir s'il va crever, c'est-à-dire va mourir ou non, par exemple, d'une maladie. Donc, quelqu'un, par exemple, peut avoir un grain de beauté, puis la personne peut demander à l'esprit, est-ce que c'est cancérigène? L'esprit peut y dire non. C'est sûr que comme l'individu est en période de transition puis d'intégration de la conscience de l'esprit, bien entendu, je ne dis pas à personne de se fier à l'esprit pour établir des diagnostics par communication télépathique parce qu'il y a des risques d'erreur. Tant que les gens n'ont pas vécu totalement le processus de la fusion, à ce moment-là, il y a tout le temps un risque d'un certain pourcentage d'erreurs associées à la présence d'énergie astrale en eux, ce qui fait en sorte que mon discours, pour des raisons de protection du public, sera toujours de ramener les gens à l'importance de faire utilisation de la science actuelle, puis la science actuelle pour traiter leurs problèmes de santé, qui est reconnue officiellement. Donc, c'est sûr que les deux, éventuellement, dans l'évolution de l'humanité, pourront se marier. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, peut avoir la vibration qu'un grain de beauté n'est pas cancérigène, peut utiliser la science présente pour faire une biopsie, c'est-à-dire une fois que le grain de beauté a été enlevé du corps humain, de l'analyser en laboratoire pour regarder sur des composantes cancérigènes et avoir une corroboration entre la lecture vibratoire d'une personne et aussi de la biopsie, donc l'analyse. Donc si les deux vont dans le même sens, ben, une validation intersource qui se produit, qui permet d'avoir une compréhension que l'élément n'était pas cancérigène. Et c'est sûr que la validation intersource, éventuellement, ça peut être plusieurs individus qui peuvent canaliser par rapport à un problème de santé. Donc, est-ce que tel grain de beauté est cancérigène? Donc, s'il y a 5 personnes qui vivent un état de fusion partielle ou totale, qui canalisent, qui ça dit non, puis en plus, il y a une biopsie qui est faite qui dit non, ben vous avez une validation intersource beaucoup plus grande et riche en informations que si c'est juste une personne. La validation intersource est utile pour permettre d'avoir une compréhension qui tend vers la globalité tant aussi longtemps que l'individu n'a pas nécessairement intégré toutes ses énergies. Et l'intégration énergétique de la fusion à l'époque présente, on est au premier balbutiement. On est juste au début de ça et ça va s'étirer sur environ 2500 ans. Là. Donc, c'est sûr que le développement de la médecine vibratoire, que par exemple, une personne soit traitée par une autre personne parce qu'elle ne voit pas certains angles morts qu'elle a, donc des choses qu'elle ne perçoit pas ou qui lui sont voilées par rapport à une incapacité d'en absorber l'information, ça fait en sorte que l'être humain va avoir besoin des autres encore pendant une bonne période de temps. Et éventuellement, c'est sûr que son autonomie vibratoire va faire en sorte qu'elle ne soit plus malade. Et éventuellement aussi dans le futur, parce que là, présentement, il y a une augmentation de la pollution à la fois atmosphérique, à la fois de l'eau, de la terre, qui est grande. Et éventuellement, les hommes nouveaux ont la capacité, en fonction de la puissance de volonté, de transmuter leur corps et rendre leur corps physique imperméable aux influences externes par régénération cellulaire instantanée et immédiate, par canalisation de la vibration de l'esprit et se maintenir sur la vibration de l'esprit. Donc, autrement dit, les gens ne sont plus atteignables par la toxicité de l'environnement, que ce soit d'être dans une zone où il y a des gaz toxiques, ensuite se promener dans l'océan, puis d'être exposé à des déchets, d'être exposé à des déchets radioactifs, des déchets nucléaires, éventuellement même l'énergie nucléaire qui est dégagée par des résidus de centrales nucléaires ne pourra pas atteindre les cellules de l'être humain. Donc, autrement dit, s'il y avait, par exemple, un être fusionné qui aurait eu l'opportunité d'aller à Fukushima en 2011 lors de l'incident au Japon et qu'il aurait eu le mandat des plans de rétablir l'ordre et l'équilibre sur la Terre par rapport aux fuites radioactives qui ont été occasionnées à cet endroit, ben, l'individu aurait pu aller là. Il n'a pas été affecté biologiquement par l'exposition aux radiations étant donné qu'il aurait une conscience qui garderait son corps dans un état de cohérence en dépit de l'incohérence du milieu dans lequel il se retrouverait. Parce que l'être humain nouveau pourrait éventuellement se matérialiser et dématérialiser, peu importe l'endroit. Autrement dit, l'être humain nouveau aura une autonomie de son corps qui ne sera plus régi par les lois évolutives. Tant que l'individu n'a pas réussi à rehausser le taux vibratoire de chacune des cellules de son corps et que le corps physique est régi par les lois évolutives, c'est sûr que si un corps biologique est exposé à la radiation va créer de l'incohérence par rapport à son tissu cellulaire. Ça va l'exposer à un rythme qui désajuste, un rythme de pulsation énergétique qui désajuste son corps. La radiation, c'est ce que ça fait. Donc, c'est comme si exposer quelqu'un à une fréquence de musique qui crée du désordre en son sein, puis comme l'individu n'a pas la volonté pour s'opposer à ça, ben il se fait polluer. C'est comme pour les entrées astrales. Donc, si quelqu'un, par exemple, est exposé à un milieu où il joue de la musique morbide, de la musique satanique, et l'individu n'est pas capable de rester calme, de rester centrique, puis se laisse déstabiliser par la musique, et qu'il devient imprégné par elle, c'est sûr qu'il va devenir incohérent à la lumière de la musique qui l'absorbe. Alors que s'il est en émission vibratoire, que je sois entouré de musique cohérente ou pas, que je sois entouré de radioactivité ou pas, si la personne émet dans sa parole parce qu'il est totalement centrique et en harmonie avec l'esprit, ben, peu importe la source de pollution externe, que ce soit au niveau énergétique, musical ou au niveau de la pollution, l'individu va rester cohérent pareil, mais pour en venir là, il faut qu'il ait développé une très grande force de volonté et qu'il faut que le processus de la fusion soit très avancé ou complet. Donc, ce n'est pas nécessairement demain que les êtres humains sur Terre vont vivre ça. Pourquoi il y ait question de ces choses-là dans le cadre de cet enregistrement? C'est pour donner une perspective d'avenir. Mais l'essentiel pour l'individu de l'époque présente, c'est de s'occuper de sa santé puis d'être cohérent en s'engageant dans sa vie de tous les jours dans des actions concrètes en ce sens. Par exemple, pour garder la cohérence, une personne peut écouter des enregistrements à caractère vibratoire pour se brancher à cette fréquence-là et l'aider à en monter en vibration puis à stabiliser psychiquement tant aussi longtemps qu'il ne sera pas capable de le faire par lui-même. Donc, autrement dit, tant que la personne n'est pas totalement fusionnée, ça peut être utile pour elle d'écouter quelqu'un qui est plus avancé qu'elle dans le processus de la fusion ou qui a vécu totalement le processus de la fusion pour se raccorder à cette horde-là, plutôt que se raccorder à des paroles de gens qui sont agressifs, violents, dans un état de déchéance psychologique. Donc, écouter des choses qui permettent à la personne d'être en santé plutôt qu'incohérent, ça fait partie de la santé global de l'individu. C'est de faire une gestion de ses influences. D'être capable de fonctionner avec des gens qui sont sains pour rester sains. Mais éventuellement, la personne qui est très centrique peut être en contact avec des gens malsains sans se déstabiliser par eux parce que son foyer de rayonnement est supérieur à l'énergie du chaos qui se dégage de ces individus. C'est tout le temps une question énergétique. Donc, autrement dit, si quelqu'un est très avancé dans l'intégration vibratoire, puis il vibre à un niveau de 80, puis il est confronté à quelqu'un qui vibre à 20, puis la personne qui est à 80 a peu ou pas d'entrée astrale, bien, elle ne se sera pas perturbée par le chaos de la personne qui vibre avec un taux vibratoire plus bas qu'elle si elle est très centrique. Donc, éventuellement, l'individu pourra fonctionner avec des gens qui sont très désajustés pour les ramener à l'ordre, mais s'il a le mandat de faire ça. Parce que si la personne cherche à mettre de l'ordre par rapport au chaos de son environnement alors qu'elle n'est pas mandatée par rapport à ça, ben, elle va s'épuiser énergétiquement parce qu'elle ne sera pas nécessairement supportée par l'esprit dans son action. Puis il y a un moment aussi pour mettre de l'ordre. Des fois, c'est utile que quelqu'un, par exemple, vive 6 mois, 1 an ou 3 ans d'un état de dépression puis d'échéance psychologique, parce que s'il ne vivrait pas ça, bien son ego serait pas nécessairement apte à s'ouvrir à de nouvelles choses. Donc, autrement dit, si quelqu'un a trop rapidement accès à des solutions pour régler ses problèmes, le changement intérieur, la mutation psychique ne s'opère pas. Donc, si par exemple, quelqu'un est très orgueilleux par rapport à l'argent, il fait une faillite personnelle, puis il croit toujours que c'est un bon gestionnaire, puis il a tout de suite accès à de l'argent, ben, il ne changera pas ses comportements, puis il va éventuellement peut-être refaire une faillite un peu plus tard, parce que s'il n'y a pas de changement interne, s'il n'y a pas de restructuration psychique fondamentale au sein de l'individu, ben à ce moment-là, il n'y a pas d'évolution réelle qui se produit. Donc, autrement dit, si quelqu'un, par exemple, germait de l'argent, puis la société, le gouvernement, lui donne tout de suite des subventions pour compenser son manque d'ordre. Ça se peut que la personne n'apprenne pas des erreurs de son manque de gestion pour monter en intelligence et reproduise éventuellement les mêmes erreurs. Alors que si quelqu'un, par exemple, est privé d'argent pendant 3 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, et là, elle a eu à se restructurer, à, dans le fond, restructurer son entreprise, restructurer sa psyché pour être plus cohérent, pour être plus intelligent. Ben, à ce moment-là, s'il obtient de nouveau de l'argent avec une conscience nouvelle, il va en faire une meilleure gestion parce que son taux vibratoire va être plus élevé puis il va être plus mature. Donc, ça, c'est un point. C'est-à-dire que les gens n'ont pas nécessairement à guérir trop rapidement de la maladie ou avoir accès à des solutions trop rapidement à certains problèmes de santé parce que il y a des gens qui vont penser que « Ah, ils touchent à de l'esprit, automatiquement, ils vont être tout le temps en santé. » Mais non. Il y a un temps d'intégration par rapport à ça. Puis l'esprit peut se servir de la maladie comme levier évolutif pour forcer l'individu à monter en intelligence puis en maturité psychique. Donc, ça peut être un tremplin évolutif, la maladie. Donc, la maladie peut avoir son utilité. C'est pas parce que quelqu'un, par exemple, est atteint d'un cancer ou la personne a des problèmes cardiaques importants que ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas assez évolué. Ça peut être quelqu'un qui est plus évolué qu'une autre personne qui est en santé présentement ou qui a une apparence de santé, devrais-je dire. Mais la personne, dans le fond, vit des problèmes de santé élevés, mais que ça lui permet de monter en vibration, ben, ça peut lui permettre d'atteindre un état de santé psychique beaucoup plus grand que ce qu'elle aurait connu dans un état de santé physique apparent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes à l'époque présente qui ont une apparence d'état de santé au niveau physique, mais s'ils sont lus vibratoirement avec quelqu'un qui a une force de pénétration psychique, ils pourraient avoir une mesure des problèmes de santé qui éventuellement pourraient apparaître. Donc, quelqu'un qui a l'air cohérent, qui a une belle apparence physique, la personne est bien maquillée, elle a un beau sourire au visage, mais si on creuse un peu puis on se rend compte que la personne n'est pas capable de gérer ses émotions, puis éventuellement dans 10 ans, à faire un cancer associé à cela, parce que son aura est en train de se dégrader puis se dévitaliser, la personne, bien qu'elle ait l'air en santé extérieurement, dans les photos qu'on voit sur les magazines avec les vedettes hollywoodiennes, bien qu'elle ait une belle apparence, si la personne est regardée avec profondeur puis on se rend compte que c'est juste une question de temps avant qu'elle sombre dans un état de déchéance, à moins qu'il y ait des changements majeurs dans sa psyché puis une restructuration aurique, à ce moment-là, l'état de santé n'est pas atteint par elle. Puis c'est juste une façade qui est de moins en moins importante pour l'individu qui vit la fusion parce qu'il va au-delà de là. Il va tout le temps en fonction de la vibration que la personne dégage. Fait que la personne ne peut pas être bernée par une onde. Plus que la personne développe une grande capacité de lecture vibratoire, moins elle peut se faire mentir ou désinformer par une autre personne qui peut avoir une belle apparence au niveau physique. La personne se fait refaire la face, se fait refaire les dents. Elle est quelqu'un qui paraît bien dans les émissions de télévision, dans les revues, les magazines de vedettes. Mais si la personne est incohérente dans sa psychologie, elle fait une mauvaise gestion de sa nourriture, etc., Tôt ou tard, elle aura un prix à payer par rapport à ça. Parce que toute action incohérente amène une dégradation du corps. Et c'est sûr que présentement, la plupart des êtres humains, d'ailleurs, ne savent même pas. On ne parle pas de la gestion des émotions, là. Ça commence à être véhiculé dans les médias, dans la psychologie populaire, que c'est important de développer l'intelligence émotionnelle. Mais juste au développement de la santé physique, qui est purement matérielle, il y a beaucoup de lacunes présentement. Donc, c'est sûr que les médecins, les spécialistes vont bombarder d'informations à travers les médias, les gens en leur disant, ben, il faut pas qu'ils fument, il faut qu'ils évitent de consommer trop d'alcool, trop de viande rouge. Ensuite, il faut que les êtres humains fassent du sport. Il faut que les êtres humains aussi soient capables, par exemple, de faire des exercices de méditation et de respiration pour se recentrer lorsqu'ils sont déstabilisés par des chocs émotionnels. Bien que ce type d'information-là soit accessible, c'est très rare les gens qui la mettent en application à l'époque présente. Parce qu'ils n'ont pas nécessairement la volonté de passer à l'action. Donc, beaucoup de gens voient qu'en théorie, c'est intelligent de s'entraîner régulièrement, mais très rare. Les gens vont le faire avec discipline et assiduité. Et c'est sûr que ça demande de la volonté, ça demande un engagement de l'individu dans sa santé. Parce que beaucoup de personnes aimeraient avoir accès à une santé en fonction de leur volonté, puis qu'il n'y a aucun effort à faire. Mais tant que l'être humain n'a pas la capacité de commander à la matière, il faut qu'il fasse des actions dans la matière pour ajuster son corps. Donc, autrement dit, quelqu'un qui pourrait commander à la matière pour avoir un corps qui est musclé ou maigrir d'une manière instantanée sans avoir à bouger physiquement, ben, c'est sûr qu'il le ferait. Mais tant qu'il n'y a pas le taux vibratoire pour faire ça, c'est soit qu'il va faire les activités physiques puis avoir le régime alimentaire adéquat pour parvenir à ses objectifs, ou il ne le fait pas. Mais là, s'il s'engage pour le régime alimentaire et puis aussi l'activité physique, ben, ça lui demande de l'énergie, ça lui demande de faire des efforts, puis ça lui demande de développer la volonté. Sans volonté exercée par l'individu, il n'a pas de liberté. Parce que la volonté, c'est le gouverneur que l'individu se donne pour gérer son existence. Sans l'exercice d'une volonté individualisée, l'individu ne peut pas atteindre un état de santé puis de se maintenir en santé. C'est impossible. Parce qu'il va tout le temps être charrié par des influences astrales ou des tests initiatiques qui vont venir de l'esprit. Puis tant qu'il est charrié par ça, ben ses énergies ne sont pas harmonisées. Il n'est pas capable de construire une masse d'énergie unifiée. Donc, de se doter d'un centre de gravité permanent. Donc, la dispersion des énergies puis la dilapidation des énergies vitales est liée au fait que l'individu est soumis à un paquet de volontés qui peuvent aller dans des sens contradictoires. L'individu peut recevoir une idée dans la tête qui provient d'une entité qui va lui dire de manger des groustilles. Il peut avoir une autre entité qui va lui dire de bouger physiquement. Mais si la volonté de manger des chips, des groustilles, est plus grande que de bouger physiquement, ben, l'individu va en manger, puis il ne bougera pas physiquement, mais là, il va ressentir une dualité interne parce qu'il n'y aura pas une volonté centrique de mettre de l'ordre. Et si sa volonté, c'est de bouger physiquement puis de ne pas manger des groustilles, même si c'est une suggestion qui lui est faite dans sa psyché en allant en ce sens-là, ben, s'il est capable de maintenir sa volonté sans la réfléchir puis douter d'elle, par astralisation en se soumettant à une volonté adverse qui va essayer de contrecarrer la volonté qui a une plus grosse vibration en vue de générer un ordre et de la cohérence dans sa vie, s'il n'est pas capable de faire ça, il ne sera pas cohérent. Il ne sera pas en santé. Donc, la santé, c'est quelque chose qui demande de la volonté, surtout pour se maintenir dans le temps. Puis, la volonté est fondamentale pour le développement d'individus, que ce soit juste. Il y a la santé, mais il y a d'autres aspects aussi, là. Mais la médecine vibratoire qui va se développer dans l'avenir, c'est intéressant à aborder. C'est sûr qu'à l'époque actuelle, on en a des idées, quelques fragments qui peuvent être canalisés. On est au premier balbutiement d'une compréhension de la nature multidimensionnelle de l'homme, parce qu'éventuellement, il sera révélé aux masses lorsque le temps sera venu que la pensée vient d'ailleurs, et cette compréhension-là sera intégrée. Par rapport à l'état de la science présente. Donc, lorsque la fusion de la science de l'énergie, la science matérialiste réductionniste de l'époque actuelle, ben, à ce moment-là, ça va être intéressant parce que la science actuelle traite bien au niveau de la forme. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a une fracture du bras puis ils vont rencontrer un médecin. Au niveau de la forme, avec la radiographie, on la voit, la fracture du bois, puis on est capable d'agir dessus. Donc, le traitement de la forme est intéressant. Par contre, ce qui manque, c'est la fracture vibratoire qui peut amener l'individu à souffrir. Parce que si l'individu est confronté à une fracture du bras, puis c'est pas pourquoi que ça y est arrivé dans le cadre d'un accident d'automobile, s'il pourrait communiquer avec l'esprit et dire, ben pourquoi j'ai vécu un accident d'automobile? Puis l'esprit peut dire, ben c'est parce qu'on voulait te ralentir, tu vas trop vite, tu ne nous écoutes pas. Puis là, avec ton bras dans le plâtre, là, tu vas être obligé de nous écouter. Tu vas être obligé d'écouter ton intériorité. Donc, si l'individu pouvait avoir accès à cette compréhension-là, en plus d'avoir un traitement du bras qui est cassé simultanément, ben ça serait extrêmement intéressant pour lui parce qu'il y aurait une plus grande compréhension de qu'est-ce qui se passe. Puis, il n'y aurait pas le sentiment d'impuissance réflexif. Donc, par exemple, si on prend, par exemple, quelqu'un qui est atteint d'un cancer, puis il pose la question « Pourquoi moi? Pourquoi que je vis ça? C'est pas drôle. » Si dans une réflexion compulsive par rapport à sa maladie, il peut se créer un poids psychologique extrêmement grand, alors que s'il a une compréhension fondamentale de qu'est-ce qui lui arrive, ben, son mental resterait clair, resterait calme, serait stabilisé. S'il apprendrait, par exemple, que le cancer qu'il connaît vise à le restructurer dans sa vie d'une manière totalement différente qu'il l'était avant, de modifier d'une manière fondamentale ses habitudes de vie, faire une meilleure gestion de ses émotions, du stress, se calmer, vivre aussi plus lentement, d'apprendre à relaxer, d'apprendre à vivre avec son intériorité. Souvent, les maladies ramènent à ça. Parce que les gens, il y a beaucoup de personnes qui, sous influence astrale, avec une certaine mécanicité, ils sont comme des marionnettes. On leur dit d'aller à gauche, ils vont à gauche, ils vont à droite, ils ne s'arrêtent pas. Ils ne prennent pas le temps d'écouter l'esprit. Puis comme l'esprit ne peut pas se faire entendre par eux, ben, il est obligé de les ralentir pour qu'à un moment donné, il n'y ait pas d'autre choix que de les écouter. Parce que quelqu'un, par exemple, qui est alité parce qu'il est très malade, il est atteint d'un cancer en phase terminale, puis il passe l'essentiel de ses journées dans son lit, ben, il est confronté à son intérieur. Tandis que s'il est tout le temps dans le feu de l'action, il va travailler, il va au restaurant, il va jouer avec les enfants, il va passer la tondeuse, ben, il ne s'arrête pas. S'il n'y a pas un fonctionnement télépathique avec l'esprit, le fait qu'il ne s'arrête pas pour écouter l'esprit fait en sorte qu'il vit d'une manière, dans beaucoup de cas, qui est incohérente avec l'esprit parce que pas en concertation avec lui. Donc, c'est le manque d'alignement entre le vécu de l'individu et de l'esprit qui se crée souvent du désordre et du chaos. Parce que lorsque l'individu n'est pas aligné avec l'esprit, il est aligné avec l'astral. Puis l'astral, en tant que tel, c'est une énergie en voie d'évolution. C'est une énergie qui n'est pas totalement cohérente. Donc, elle ne peut pas produire un ordre parfait sur le plan matériel, n'étant pas parfaite elle-même. Et les entités qui sont sur le plan astral, dans le meilleur des cas, les autres entités du haut plan astral peuvent donner une certaine guidance relative à l'individu. Mais comme ils n'ont pas totalement intégré le processus de la fusion, leur guidance est partielle et n'a pas une validité qui est totale. Donc, autrement dit, ça peut amener à commettre des erreurs. Puis ça peut occasionner des blocages énergétiques. Et d'ailleurs, ça me ramène au fait que les gens qui commencent à avoir un aperçu de la médecine nouvelle, ne vous enthousiasmez pas trop rapidement par rapport à ça dans une attitude psychologique. Regardez les choses froidement et ne soyez pas comme les guides astro qui commencent à monter en vibration, passant du moyen au astral pour de en venir à diriger d'autres individus et leur dire quoi faire. Parce que sans ça, vous tombez dans la même faille d'orgueil qui est de croire que parce que j'en sais un petit peu plus que l'autre, mais là, je vais guider puis je vais dire quoi faire. Non, il faut que la personne finisse sa formation. C'est un petit peu comme les Jedi dans la série de films de Star Wars. Si la personne n'a pas complété sa formation de Jedi, elle peut sombrer dans le côté obscur de la Force, comme Anakin Skywalker, qui avait commencé à être formé pour devenir un Jedi et qui malheureusement a connu un état de déchéance psychique, une forme d'astralisation, et il est devenu Darth Vader. Donc, à ce moment-là, il a été englobé par l'énergie astrale. Donc, c'est un petit peu le même principe. Donc, les gens qui commencent à développer une compréhension des fondements énergétiques de la médecine vibratoire ne doivent pas, du jour au lendemain, se mettre à pratiquer ça auprès d'individus, parce que si leur formation n'est pas complète, ça peut les amener à commettre des erreurs qui peuvent nuire à d'autres personnes et leur poser préjudice. Et c'est sûr que dans un certain sens, il y a des gens qui vont contester la science actuelle en disant qu'elle ne va pas assez vite, qu'elle ne s'ouvre pas assez les horizons par rapport à la dimension énergétique de l'individu. Et qu'il y ait une contestation comme ça, c'est intéressant. C'est pas mauvais parce que la science doit s'ouvrir à plus, naturellement. Mais en même temps, il faut respecter le rythme d'intégration de la science et des masses qui doit se faire. Ce qui fait en sorte que présentement, s'il y a des techniques, par exemple, qui ne sont pas reconnues par la science, bien, il y a des raisons pour ça. Il y a une certaine rythme d'intégration de la science qui doit être respecté. Puis de toute façon, comme mentionné précédemment, il ne faut pas que la personne se mette à faire une pratique illégale de la médecine qui pourrait mettre la vie de d'autres personnes en danger. Donc, la personne est mieux d'être prudente et de se tenir à ce qui est établi, de ne pas perdre son travail non plus par rapport à ça, tout en ayant une ouverture et une compréhension que les choses éventuellement sont appelées à changer et évoluer. Et c'est sûr que lorsque la science actuelle reconnaît des choses qui favorisent l'évolution de l'individu, ben, on peut les souligner et les applaudir. Donc, c'est sûr que, par exemple, un praticien au niveau médical peut applaudir le fait que la science reconnaît qu'il est intelligent, que l'individu développe une intelligence émotionnelle, qu'il y a de plus en plus, par exemple, d'études qui vont démontrer les bienfaits de la méditation au niveau psychologique. Donc, c'est intéressant que les praticiens reconnaissent cela et qu'ils agissent en conséquence. Donc, qui intègrent les dernières découvertes, les dernières recherches, qu'ils soient à jour dans leur compréhension et qui agissent en conséquence, mais pas aller trop loin. Parce que sans ça, ils s'exposent à des problèmes graves qui peuvent être occasionnés par un désir subjectif d'aider au niveau de l'âme qui n'est pas ajusté avec l'esprit, ce qui va faire en sorte que la personne va vouloir prodiguer, par exemple, une aide pour ajuster adéquatement les corps énergie de la personne qui est devant elle. Mais si elle n'est pas mandatée par ça pour faire ça par l'esprit, objectivement, ben, elle s'expose à une initiation qui peut représenter la perte de son travail puis la poursuite du patient qui la consulte, qui s'attend à être traité par les techniques reconnues scientifiquement d'une manière officielle. Donc, dans un certain sens, il est mieux d'utiliser des techniques qui ne sont pas parfaites, qui sont au niveau de la forme, que de s'engager dans des voies qui peuvent occasionner par la suite des contre-coups occultes. Parce que c'est sûr que des énergies astrales qu'ils ne veulent pas que la médecine énergétique soit déployée à la surface du globe, parce qu'à ce moment-là, la domination astrale que les entités exerçaient en gardant les gens malades, en gardant les gens vieillissants, n'a plus lieu. Et si l'individu est plus soumis à la peur qui est occasionnée par la maladie, par le processus du vieillissement, ben à ce moment-là, il est moins manipulable. S'il est moins manipulable, il est plus libre dans sa psyché. Donc, à ce moment-là, les entités astrales qui utilisaient ça comme levier pour manipuler les individus, ben, elles ne sont plus en puissance. Qui, par exemple, va se soumettre à une entité qui va lui dire d'avoir peur de la maladie si la personne a une capacité totale et absolue d'auto-régénération cellulaire? Ben, il va dire à l'entité, ben, « Tasse-toi, t'as pas d'impact sur moi. » Au même titre que quelqu'un à l'époque actuelle va dire à une entité qui va lui dire dans sa tête de ne pas faire certaines actions parce que sans ça, il va aller en enfer. La personne peut dire, « Regarde, l'enfer, ça n'existe pas. Tu n'as pas d'emprise sur moi. » Donc, c'est sûr, par exemple, le prêtre qui pouvait dire à une personne que si il se masturbe, c'est un acte de péché qui éventuellement peut l'amener dans un état de déchéance et de se retrouver dans l'enfer, dans l'après-vie. Puis l'individu dit, « Non, c'est pas un acte de péché. » Je me retrouverai pas dans l'enfer après ma vie présente. C'est pas réel. J'ai pas la perception que c'est réel ce que tu dis. Ben, le prêtre, à ce moment-là, qui dit ça, il n'a aucune autorité sur lui. Parce que l'individu fonctionne en fonction de son centre. Mais c'est sûr que présentement, il y a des entités astrales qui cherchent à retarder l'émergence de la médecine vibratoire. Puis en même temps, les forces de l'esprit ne sont pas non plus très chaudes à ce que cette médecine-là soit rapidement et facilement accessible parce que les individus présentement n'ont pas les corps assez développés pour composer adéquatement avec elle. Même chose par rapport au pouvoir psychique de télépathie. Je dis télépathie, mais ce n'est pas l'idée que j'avais en tête, c'était de téléclinésie, de bouger les objets à distance. Parce qu'en réalité, la télépathie, communiquer avec l'esprit d'une manière directe, communication interne, ça va s'installer en premier. Puis si l'individu fait ses preuves, il est capable de gérer adéquatement sa communion interne qui va être le produit de la communication, parce que dans la communication, il y a deux éléments, alors que dans la communion, il y a un seul élément en unité. Donc, lorsque l'individu est en communion totale avec l'esprit, bien, à ce moment-là, éventuellement, il pourra développer la télékinésie, bouger des objets à distance. puis éventuellement être capable de faire des traitements énergétiques à distance avec d'autres personnes si il est mandaté par rapport à ça. Si seulement il est mandaté. Parce que présentement, au niveau astral, il y a des gens qui vont faire des traitements à distance, au téléphone ou sur Internet pour essayer d'ajuster des corps de d'autres personnes à distance. Mais ce qu'il faut voir par rapport à ça, c'est que si l'individu qui fait ça n'est pas mandaté pour ça, puis c'est sous l'influence de hautes entités astrales, de hauts guides spirituels qui veulent bien faire, qui peuvent être très bien intentionnés sur le plan subjectif, moindrement que ces gens-là ont de l'orgueil, ça fait en sorte que le traitement n'aura pas nécessairement les résultats escomptés. Puis c'est sûr que quelqu'un, par exemple, qui va canaliser beaucoup d'entités astrales pour traiter d'autres personnes, bien, il crée des liens psychiques entre les entités astrales et lui et les autres personnes. Ce qui fait qu'un renforcement astral qui se produit. Alors que si l'individu était libre de ces êtres-là astraux, il traitait tout simplement avec son esprit, ça se peut que son esprit lui dirait « ben, t'as pas à faire un traitement énergétique à telle personne ». Mais comme la personne, elle veut bien faire et elle veut sauver tout le monde, ben, elle fait des traitements à des gens qui n'est pas mandaté pour ça. Et si la personne reçoit un traitement qui, dans le meilleur des cas, lui apporterait une guérison, alors que l'esprit, objectivement parlant, veut que la personne soit malade pour qu'elle soit en état de remise en question, ben, l'esprit va s'organiser que si elle guérit, elle va être confrontée à une autre forme d'adversité, ça peut être une autre maladie, pour que la personne soit dans un état d'ouverture. Parce que les gens, quand ils souffrent, sont remis en question, ils ont tendance à s'ouvrir à autre chose, aller au-delà de les formes anciennes, des mémoires anciennes. Donc, c'est sûr, par exemple, quelqu'un qui souffre parce qu'il mange trop de nourriture grasse, ben, éventuellement, il faut qu'il modifie son alimentation pour avoir une alimentation qui va comporter moins de nourriture grasse. Donc, peut-être une alimentation plus végétarienne ou de style méditerranéenne. Donc, c'est tout simplement ça, parce que l'esprit cherche à travailler les individus. Et c'est sûr que pour l'ego, c'est difficile à accepter de se faire travailler par l'esprit, parce que c'est pas lui qui le décide. Mais à mesure que l'ego intègre avec transparence l'énergie de l'esprit et fusionne avec lui, il comprend de plus en plus l'intelligence de ce travail et il peut regarder avec recul que, à quelque part, le fait qu'il a été malade dans le passé à plusieurs reprises, ça lui a permis d'évoluer. Et en quelque part, ça a été pour son bien. Il y a souvent des parents qui vont dire à un enfant qui étudie, « Ah, ben là, ça, tu le fais pour ton bien, puis plus tard, tu vas me remercier que de t'avoir offert des cours, par exemple, pour apprendre à nager en piscine pour éviter la noyade. » Donc, c'est ça, si le jeune enfant va se baigner dans l'océan quelques années après et a de la difficulté à rejoindre le bord, le fait qu'il est capable de nager, ben, ça va être utile parce qu'il ne se noiera pas. Donc, autrement dit, il y a des tests, il y a des initiations, il y a des entraînements que l'esprit peut nous faire vivre qui, dans le moment présent ou à court terme, sont extrêmement désagréables, mais qui vont donner leurs bénéfices à long terme. Et c'est toujours de regarder les choses à la lumière de la compréhension que l'esprit nous donne plutôt que d'être aveuglé par l'astral. Qui va chercher, par exemple, tout de suite avoir la santé ou tout de suite avoir une compagne ou tout de suite avoir un emploi ou tout de suite avoir de l'argent. Il faut travailler avec le temps de l'esprit. C'est pas évident pour l'individu. Mais l'esprit, son agenda ultime, c'est que l'individu soit totalement cohérent, soit totalement en santé. Même si pour ça, ça peut nécessiter des passages dans l'état de la maladie. Mais éventuellement, l'individu totalement fusionné aura une capacité automatique de régénération cellulaire qui va faire en sorte que la maladie, ça va être l'histoire du passé. Au même titre que, par exemple, en Occident, les maladies infectieuses ont beaucoup été disparues. C'est plus des problèmes de santé chronique qui vont affecter les populations. Quoique, bon, il y a des retours en force de certaines maladies infectieuses liées au fait qu'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés présentement. Parce qu'il y a des gens qui écoutent des vidéos sur Internet qui disent « Ah, les vaccins, c'est pas bon, ça comporte des produits chimiques. » Là, les gens ne se font pas nécessairement vacciner, ce qui occasionne certaines des petits relents de maladies infectieuses. Mais éventuellement, tout ça, maladies infectieuses, maladies chroniques, ça va disparaître. Puis on va plus s'attarder aux maladies psychiques que physiques. Parce que le physique, à mesure qu'on avance, on le maîtrise de plus en plus. On réussit à faire des belles prothèses par rapport aux bras, par rapport aux jambes, de plus en plus sophistiquées, avec une plus grande fluidité de mouvement. C'est très intéressant, les développements qui se font. Mais les développements les plus intéressants d'un point de vue évolutif seront ceux qui vont s'opérer dans la psyché des individus qui vont passer à une conscience nouvelle. Donc, l'initiation que peut représenter la maladie pour beaucoup de personnes peut, dans certains cas, servir de tremplin évolutif pour amener la personne en montée en intelligence, en clarté psychique, puis développer une plus grande capacité de discernement dans la gestion de sa vie. Donc, voilà ce qui termine cet enregistrement. Merci de votre écoute et au revoir.